Donc, on est présentement avec Camille Allouin, professeure de département de communication sociale et publique à l'UQAM. Camille qui est déjà passée à l'émission à l'été 2021, l'épisode 12 et 13, qu'on a parlé du nouveau panoptique. Salut Camille, comment ça va? Salut, ça va bien? Oui, ça va très bien. Je t'ai invité cette semaine pour parler de désinformation, un sujet qu'il y a beaucoup de monde qui voudra en parler, mais il y a peu de gens qui ont du temps pour en parler. Mais merci d'être disponible pour nous aujourd'hui. Donc, je voudrais juste commencer par savoir un peu c'est quoi la désinformation de manière générale. On cherche une définition ici parce que c'est pas nécessairement clair c'est quoi des fois. Et pour comprendre ce qu'est la désinformation, il faut déjà se demander c'est quoi l'information, pour commencer. Et c'est quelque chose sur lequel moi je commence systématiquement quand j'enseigne ces questions-là en disant faut recommencer un peu. Alors bien évidemment, il y aurait plein de définitions d'approches possibles. Moi, je vais vous proposer la mienne, qui est une approche, on va dire, qu'on appelle praxéologique, parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est pas de questionner les concepts pour les concepts, c'est de comprendre comment ils sont utilisés. Et en regardant comment, par exemple, on fabrique de l'information, on utilise de l'information, eh ben, je vais essayer de la définir par là. Et donc, informer, ça vient du latin informare, ça veut dire mettre en forme quelque chose. Donc, par définition, l'information, c'est la mise en forme d'un fait, d'un renseignement, d'une donnée. Et donc, qui dit mise en forme, dit mise en contexte. C'est-à-dire que l'information, elle ne circule pas. L'information, elle est produite. Et elle est produite pas seulement par, je ne sais pas, l'individu qui va mettre en forme une donnée, un fait, mais aussi par la personne qui va recevoir cette information, c'est-à-dire qui va l'interpréter et qui va s'en servir pour en faire quelque chose. Parce que donc, une information, c'est un processus de mise en forme, et c'est aussi un processus de réception, c'est-à-dire de mise en contexte pour répondre à un usage. Si quelque chose que l'on me transmet ne me sert à rien, on pourrait toujours dire que c'est une information, mais non, c'est une donnée, c'est quelque chose qui n'a aucun sens pour moi, donc je ne vais pas l'utiliser. Donc déjà, informer, c'est mettre en forme quelque chose. Et la désinformation, c'est pareil. Il y a plein de définitions possibles. Il y a l'idée qu'il y aurait une intention de tromper derrière. Moi, je vais enlever le côté intentionnalité, tout simplement parce qu'en tant que chercheur, je ne suis pas dans la tête des gens. Alors, des fois, il y a des gens que je peux rencontrer. Je peux leur demander, mais en fait, pourquoi tu as fait ça? Ils me disent, ah, parce que moi, je voulais absolument faire croire que Elon Musk était une personne intelligente, par exemple. Ah, j'ai désinformé. Exemple qui me vient comme ça. Non. Juste en fait, par hasard. Par hasard, parce que j'ai été notamment interviewé dans deux autres émissions de radio, Radio-Canada. On est venu chercher avec Musk et la polarisation, etc. Et non, Elon Musk n'est pas d'extrême droite. Je désinforme. Mais pour désinformer, donc, il y a une intention. Donc, on peut poser la question de se dire, est-ce que tu as fait ça volontairement, tu as cherché à tromper. Mais si on enlève cet aspect-là et qu'on revient sur l'idée d'un processus de formation, de construction, et bien en fait, désinformer, c'est remettre en forme. C'est-à-dire partir d'une donnée, d'un fait, qui n'est pas forcément un mensonge, c'est pas forcément quelque chose qui est inexistant, c'est quelque chose qui a lieu, mais qu'on va remettre en contexte différemment pour que ça soit interprété différemment. Et donc que le même fait soit pour les personnes dont on va... pour que le même fait, pour les personnes qui vont en être informées, ne le perçoivent pas de la même manière que d'autres. Et donc, tout aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup de désinformation en ligne, mais la désinformation existait avant. Elle était parfois intentionnelle ou pas. C'est pour ça qu'il y a des fois la notion de mésinformation. On va dire, ce n'est pas intentionnel, même si je ne suis pas à l'aise avec ce terme-là, parce qu'il a, un sens latin épistémologique qui est plus de subtilité. On peut dire qu'on peut désinformer intentionnellement. On peut désinformer de manière non intentionnelle. Moi, j'ai beaucoup travaillé sur la question des rumeurs, parce que ce qui est intéressant avec les rumeurs, c'est que par principe, elles se déforment. Une rumeur, c'est un message qui se déforme. Donc en fait, on ne fait qu'observer des déformations. On n'est pas là à se demander où était la partie de vérité, qui a fait quoi. Non, ça se déforme. Et puis une rumeur, ce n'est pas intentionnel forcément. On peut très bien, même sans le vouloir, mal expliquer quelque chose et ensuite c'est retransmis, etc. Donc désinformer, c'est remettre en forme. Et aujourd'hui, on parle donc beaucoup d'Internet, des médias sociaux, etc., parce qu'on utilise des plateformes dont le but premier, c'est de nous permettre de mettre en forme des données, des récits, des témoignages, ce qu'on veut, en fait, et pour elles, de mettre en forme des données, les données qu'elles prennent de nos usages, pour les mettre ensuite en circulation. Donc, on a des plateformes qui nous permettent de informer, mais qui nous permettent aussi de désinformer de la même manière. Et des fois, ça peut être subtil. Ça peut être rajouter un commentaire en dessous de, d'une information qui est vérifiée, vérifiable et qui est transmise de manière totalement bien construite. Ça peut être rajouter juste certains éléments plus subtilement pour instiller du doute. Ça peut être confronter dans un même espace, on va dire, deux choses qui sont de prime abord contradictoires. Bref, aujourd'hui, on a des plateformes qui permettent d'informer et de désinformer. Et donc, le côté intentionnel s'efface petit à petit. Il y a bien sûr, on pourra en reparler, hein, des campagnes de désinformation, de propagande, de ce qu'on appelle l'astroturfing. Enfin, il y a plein de choses qui sont purement intentionnelles, stratégiques et calculées, bien évidemment. Mais d'un autre côté, il y a tout simplement l'usage qu'on fait quotidiennement de moyens d'information qui, à l'origine, ne nous étaient pas donnés parce qu'on laissait ça aux journalistes, parce qu'on laissait ça aux professeurs, parce qu'on laissait ça, etc. Et là, aujourd'hui, on a toutes et tous dans les mains ces outils-là. Donc, désinformer, c'est concomitant à informer. Et parfois, on désinforme pour mieux informer. Hein. Quand on est face à une désinformation, qu'est-ce qu'on fait ? Bon, on la redésinforme. Pour dire, OK, ça, en fait, cet aspect-là, il n'est pas factuel. Cet aspect-là, il est là pour induire en erreur. Et puis là, c'est une opinion, ce n'est pas une donnée, etc. Et puis hop, ah tiens, on a encore quelque chose de nouveau. Donc, il faut vraiment voir ça, comme je disais, de manière praxéologique, c'est-à-dire quel est l'usage qui est fait de l'information et de la désinformation et quels sont les processus qui sont généralement des processus de circulation. Parce que trop souvent, et c'est peut-être le biais de ce qu'on appelle le fact-checking, trop souvent, on essaie de se concentrer sur l'intention, ça c'est une chose, et puis on va tous s'accuser d'être, je ne sais pas quoi, des trolls russes ou j'en sais rien. Donc d'un côté, il y a l'intention qui est là, premièrement, et il y a aussi souvent la nature, on va dire mais c'est vrai ou faux. Et bon, on ne va pas faire un débat épistémologique sur le vrai ou le faux, ce serait super intéressant, mais là, il faudrait 6 heures d'émission, et puis pas qu'avec moi. Mais la question de la nature, elle est aussi mauvaise, je pense, en ligne. OK, si l'intention est identifiable, voilà, on est face à 5000 comptes sur 5000 comptes Twitter qui envoient le même message, qui est un message, qui est une rumeur, qui est un mensonge, OK, il y a de l'intention. On est sur quelqu'un qui éhontément va rajouter du faux au milieu de choses qui sont vérifiables. On est dans une question de vrai ou de faux, mais là aussi, ça devient subtil. Moi, j'ai un cas que je montre beaucoup à mes étudiants et mes étudiantes. Enfin, il y en a plusieurs, mais moi, c'est un de mes préférés. En France, il y a un site qui s'appelle le Gorafi et qui est en fait un site humoristique hein, qui parodie le Figaro, qui existe depuis des années et des années, mais il y a encore des gens qui se font avoir. Et un de mes préférés, c'est un jour, le Gorafi a sorti un article disant 75% des Français pensent que le clitoris est une marque de Toyota, est une marque d'une voiture Toyota. C'est le Gorafi. Il y a deux journaux italiens, notamment le Corriere del Sole, qui est un gros journal, qui l'a pris au premier degré. C'est-à-dire qu'il a dit oh, oh, oh, vous rigolez des Français, on a bien raison. Regardez, nanana. Là, est-ce qu'on est dans un phénomène de désinformation ? Est-ce que d'un côté, il y a l'intention de nuire du Figaro, du Gorafi ? Non, ils ne sont pas là pour. Leur but, ce n'est pas de tromper, c'est de faire rire. Est-ce que c'est du vrai ou du faux ? Ça n'a aucun sens, c'est de la parodie. Donc, c'est ni vrai ni faux, c'est complètement créé. Et pourtant, de ça qui est présenté comme un site parodique, avec quelque chose qui est littéralement une création, ce n'est même pas vrai ou faux, c'est une création. Et peut-être qu'il y a des Français qui pensent que. J'en sais rien, en fait, on n'a pas envie de savoir si c'est vrai ou faux. Le fait que ça soit repris par. Un journal qui fait autorité, que ça soit mis, ça soit diffusé, ça soit mis en circulation auprès du public, en le présentant comme un fait qui a été validé par une équipe de professionnels, là, on arrive à quelque chose de nouveau. C'est-à-dire qu'on arrive à une forme de désinformation qui n'était pas à l'origine. C'est plus la question du vrai et du faux. C'est qu'est-ce qui va assurer de la crédibilité, qu'est-ce qui va donner de la légitimité à ce qui est transmis dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, c'est on obtient une information sur cette désinformation, sur par exemple le mode de traitement journalistique qui est fait en Italie à l'époque de certaines informations, etc., etc. Donc la mise en forme, la mise en contexte va donner une certaine légitimité à l'information, donc la rendre comme plus ou moins vraie pour le récepteur. C'est ça. C'est vraiment les contextes. En fait, ça va même plus loin, parce que la réception, il y a une idée qu'on reçoit quelque chose. Alors, on peut le recevoir de manière, on va dire, totalement passive, et je suis devant ma télé, alors, c'est le cliché, hein, mais qui est rebattu en brèche pendant très longtemps, on a dit, il y a des audiences passives, et puis on fait que recevoir. Non, on est tout le temps actif. C'est-à-dire qu'on est actif au sens où, même quand je regarde quelque chose à la télé, et puis encore plus maintenant, je peux en parler avec la personne qui est à côté de moi, je peux envoyer un message à un ami pour lui dire « Ah, t'as vu tel truc à la télé », etc., etc. Donc la réception, elle est toujours active au sens où elle est pas, on la reçoit pas, on la garde dans la tête et puis on s'en va faire autre chose. Mais aujourd'hui, on a même, de mon point de vue, dépassé ce stade-là parce que la question est moins celle de comment je reçois que comment je veux remettre en circulation. C'est-à-dire comment l'information qui m'arrive, effectivement, m'arrive et comment elle a passé différentes étapes pour être mise en forme de telle manière ou déformée, voilà, informée ou déformée, et comment moi, je la remets en circulation en cliquant, en commentant, en partageant, juste tout simplement en créant de l'audience. Là, je parle de plateforme. Hein. On crée de l'audience. Bah, le fait de faire monter l'audience de quelque chose, bah, ça va le assurer encore plus sa diffusion. Le simple fait de le regarder, c'est ça fait participer. Donc, on est même quitté cette notion de réception. Mais dans tous les cas, c'est dans ces interactions que se crée l'information et que donc se produit de la désinformation. Il y a toujours de l'interaction. Sinon, on est à un stade qui est plus élevé, qui est celui de la propagande. Mais la propagande, c'est encore une fois quelque chose qui est faux, qui est un mensonge délibéré, on va dire, hein, et qui est envoyé en masse à un très grand nombre de personnes. Généralement, la propagande, c'est un État qui fait de la propagande la plupart du temps. Hein, il n'y a pas que, on pourrait chercher des subtilités, mais on va dire ça simplement, c'est un État qui fait de la propagande et qui diffuse à un très grand nombre d'individus un message qui n'a aucun régime de vérité, nulle part. Alors que la désinformation, il peut y avoir du vrai dans la désinformation. Il peut y avoir des choses factuelles, hein, qu'on va encore une fois remettre en contexte différemment, mais il peut y avoir du factuel. Alors que la propagande, par exemple, on est dans quelque chose de masse et de diffusion. On n'est plus dans la circulation, on est dans la propagation. Il faut qu'un maximum de personnes aient entendu le message, message qui est purement idéologique et qui vise à travestir un fait, un événement, une réalité. Juste pour être sûr, revenez un peu sur le concept de la définition de la désinformation, parce que moi, dans mes notes, j'ai la désinformation. J'avais aussi la mésinformation que tu as mentionnée, parce que les Américains, eux autres, je pense que l'anglo-saxonie font plus la distinction que, mettons, nous, on va le faire en français. Il y avait aussi la malinformation, où là, c'était vraiment... pour le mal, donc c'est ciblé, c'est volontaire. Je sais pas si toi, tu fais comme vraiment cette distinction-là, ou si, je voulais juste savoir si ta définition de la désinformation est juste propre à toi, ou bien c'est quelque chose qui est comme assez commun dans le domaine. Je m'intéresse aux mécanismes, je suis pas le seul. Hein. Moi, la malinformation, la mésinformation, c'est plutôt... quelque chose qui est fait non intentionnellement. Désinformer, quand il y a une espèce de distinction, c'est désinformer, c'est volontaire. Je désinforme, c'est-à-dire que c'est intentionnel. Je malinforme, je mésinforme, peu importe la manière de le dire. Là, c'est pas intentionnel. Hein, je te désinforme, ça serait supposé de dire je le fais parce que je cherche à atteindre un objectif stratégique. Pas stratégique, mais un objectif en te désinformant. Alors qu'en fait, je produis de la mésinformation. Là, c'est pas volontaire, j'ai mal compris ou je restitue mal quelque chose, etc. C'est pour ça que moi, je préfère la notion de rumeur qui me paraît plus apte. Non. Moi, ce genre d'approche, qui sont ce qu'on appelle, d'un point de vue épistémologique, des approches à la fois pragmatiques, au sens prise en compte du contexte, et phénoménologique, au sens où ce qui m'intéresse, c'est l'interprétation que vont faire les gens. Et puis, dans un troisième plus aspect aussi épistémologique, il y a un peu de praxéologie, c'est-à-dire que moi, c'est vraiment comment les gens font avec. C'est la pratique qui m'intéresse. Hein. C'est quelle pratique on fait autour de ça. C'est pour ça qu'actuellement, j'ai un projet où je travaille sur les personnes qui sont proches des personnes qui sont comme des médecins, qui sont confrontés à des patients ou des patientes dits complotistes, j'aime pas trop le terme, mais en tout cas qui adhèrent à certaines théories conspirationnistes, etc. Et c'est en regardant les pratiques plutôt qu'en essayant de chercher soit des questions de vérité ou de choses comme ça, c'est très binaire, c'est très normatif en fait. Hein, et qui déclare que c'est la vérité et qui, etc. Donc on est dans une espèce de norme surplombante et moi ça me plaît pas de surplomber les choses d'un côté. De l'autre, j'ai aussi une vision qui qui, je suis pas le seul, hein, qui se veut à la fois comme quelque chose qui est au sein d'un groupe, d'un milieu. Hein, la désinformation, c'est dans un milieu informationnel écologique. Et j'essaye de retirer les aspects psychologiques. D'une part, parce que je ne suis pas psychologue et que j'ai beaucoup de collègues qui ne sont pas psychologues et qui font des très mauvaises choses en parlant de psychologie, des informations ou autres, parce qu'à un moment, chacun ses champs de compétences. Et ensuite, je pense que fondamentalement, l'information, elle est sociale. Bien évidemment, il y a des aspects psychologiques individuels de comment je vais capter quelque chose, est-ce que j'ai des biais cognitifs, est-ce que j'ai des choses comme ça. Bien entendu, on en a tous, je le nie pas. C'est juste que je pense que si on veut étudier ce phénomène-là, le prendre juste comme de manière normative, il y a le vrai, le faux, c'est voulu ou c'est pas voulu, ou d'une manière juste psychologique, il y a des biais, et puis en fait, il y a des personnes qui je sais pas, ont moins fait d'études et vont se laisser avoir, ou qui ont tel biais qui vont se laisser avoir. C'est réducteur pour comprendre un phénomène qui va au-delà. Et puis quand on s'intéresse au numérique, il ne faut jamais oublier qu'on a des machines qui traitent tout ça. Donc, juste dire l'information, elle circule, non. Il y a des interfaces, il y a du design, il y a des algorithmes, il y a des choses derrière. Donc, à un moment, moi, je peux... Et voilà. Et quand on se met du côté des plateformes, moi, c'est ce qui m'intéresse fondamentalement, Facebook se fiche royalement de savoir si c'est vrai ou faux. Se fiche presque royalement, parce qu'on l'a embêté, hein, de savoir si c'est une publicité mise en place par des trolls biélorusses ou je ne sais quoi. Lui, ce qui l'intéresse, c'est est-ce que ça produit de l'effet. Et alors, les gens, ils cliquent. Les gens, ils cliquent. On va le mettre en circulation. Les gens, ils cliquent pas. On va l'enlever. Ah, il y a du fact-checking. Donc, on va exploiter des journalistes pour que gratuitement, ils viennent fact-checker pour qu'on ait une petite couche de vernis sur la vérité. Et puis, ouais, quand même, on s'est fait avoir là, avec Cambridge Analytica tous les comptes qui sont situés, comme je le dis, en Biélorussie là, et qui ont acheté 10 millions de dollars de publicité l'année dernière. On va peut-être les fermer. Hein. C'est-à-dire, mais ça, encore une fois, si on prend du côté des plateformes, le côté normatif de vrai ou de faux, le côté même intentionnel derrière ça, il s'efface totalement. Ce qui compte, c'est qu'est-ce qui est fait avec ça. Et je faisais une petite blague sur Elon Musk tout à l'heure, mais aujourd'hui, on a quelqu'un qui rachète une plateforme comme Twitter et qui, derrière l'argument du free speech, est en train de nous expliquer qu'en fait, il n'y aura plus de modération. Il n'y aura plus de signalement. Donc, en fait, il n'y aura plus ce travail collectif nécessaire de sélection de l'information, de la fin de sa mise en circulation ou pas. On va tout faire reposer sur les algorithmes de la plateforme. On va tout faire reposer sur des critères arbitraires là, de signalement. J'ai un petit badge bleu, ça veut dire que je dis la vérité ou tout du moins que je suis une vraie personne, etc. Donc, en fait, on voit qu'avec une personne qui a des moyens financiers, qui est totalement idéologisé à l'extrême droite, notamment, on va avoir une utilisation de cette plateforme-là qui, justement, va s'appuyer sur ces arguments-là. Mais attendez, si on ne sait pas qui est derrière, c'est forcément faux. Non, mais attendez, si on commence à choisir le vrai ou faux, on ne va jamais réussir, puis on sait très bien que c'est les gauchistes qui disent le faux, hein, etc., etc. Donc, voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que même ne se baser que sur ces critères-là, qui sont souvent les plus répandus qu'on va essayer d'apporter à la population, on va dire, ben en fait, ça ne nous aide pas beaucoup, concrètement. Et je ne connais pas de chercheurs ou de chercheuses, d'ailleurs, qui ne se basent que sur ces critères-là. Généralement, on rajoute des aspects, et puis après, chacun ses angles, etc. Mais comme je te dis, c'est juste que c'est tout simplement des aspects qui sont inhérents à toute forme d'étude de ces questions-là. Il y en a bien d'autres. Je ne vais pas tous les citer, puisque moi, je ne parle que de ce que je fais. Mais il y en a bien d'autres. Et voilà. Juste pour faire une autre petite forme de mise en contexte, on parle souvent de ces temps-ci, c'est ton champ d'études particulier aussi, les plateformes, mais la désinformation, c'est quelque chose qui existe depuis bien plus longtemps que l'Internet. Oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Comme je dis, j'ai travaillé pas mal sur la rumeur dans ma thèse déjà, et puis ensuite sur différents projets. Il y a une expression qui dit la rumeur, c'est le plus vieux média du monde. C'est Cap Ferrer qui dit ça. Alors, c'est même le nom de son livre des années 80. Le plus vieux média du monde, je crois, de mémoire. Partant du principe que la transmission orale de bouche à oreille, c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps. Et donc, la désinformation, De mon point de vue, il faut réussir à la situer historiquement, encore une fois, par rapport aux objets qu'on veut observer. C'est-à-dire que la désinformation orale, la rumeur, bah, c'est le plus vieux média du monde, et puis quand on se transmettait des choses, etc. Voilà. La propagande, actuellement, je donne un séminaire avec une collègue qui est spécialiste des hiéroglyphes, donc on fait un séminaire des hiéroglyphes aux émojis. Elle est spécialiste des hiéroglyphes, moi je parle des émojis, on essaie de voir le lien entre les deux, c'est amusant, en séminaire doctoral. Et déjà, si on prend les hiéroglyphes, et sûrement avant, mais en tout cas les hiéroglyphes comme première forme d'écriture après les Sumériens qui étaient vraiment structurés, bah, c'était le roi, c'était le pharaon. Qui décidait d'une partie des hiéroglyphes de ce qui était dit. Donc, on pourrait déjà parler de propagande. Il y avait déjà ce côté, faut rendre gloire à Dieu, enfin, au Dieu, et donc à leur représentant sur Terre, qui est le roi, etc., etc. Donc, il y avait déjà première forme d'écriture, propagande, et forcément désinformation, parce qu'on ne va pas raconter la guerre qu'on a perdue de la même manière que si on l'avait gagnée, etc., etc. Donc, c'est quel est le point de vue? Si on prend le point de vue des médias, médias au sens large, hormis Internet, historiquement, la très grande majorité des médias ont été créés et contrôlés, en tout cas ont été contrôlés dès le départ par des instances étatiques. Les télévisions, en tout cas en Occident, c'était des chaînes d'État, hein, en grande partie. La radio, pareil, après il y a eu des radios libres, etc. Mais à la base, c'était ça. Le courrier, hein, en tout cas je ne connais pas partout dans le monde, mais Richelieu en France, 15e siècle. On crée ce qui serait aujourd'hui les facteurs, pas pour faciliter la circulation des courriers à travers la France, pour pouvoir ouvrir toutes les lettres et regarder ce qui s'y mettait. Donc, le télégraphe, pareil, Chape, avant, ça a été quelque chose qui a été développé pour la guerre, etc., etc., etc. Donc, en fait, si on prend les médias ou si on prend les technologies de communication, on s'aperçoit que la désinformation, ça a toujours été quelque chose qui était ramené à un petit nombre de personnes qui étaient en capacité de modifier les messages. Ce qui crée d'ailleurs la plupart des théories conspirationnistes, c'est-à-dire que c'est centralisé. Et donc on va se dire, bah, à une époque, c'était l'État qui faisait de la propagande ou de la désinformation. Et puis après, on va dire, non, mais ça s'est élargi, c'est certaines entreprises privées. OK, donc c'est les patrons des entreprises qui détiennent les médias ou les moyens de télécommunication qui vont faire de la désinformation, etc., etc. Donc si tu veux, la désinformation a toujours existé, elle a toujours été produite, intentionnellement ou non, parce que des fois, on croyait des choses et on voulait que les choses soit connu, même si on avait des doutes sur leur véracité, ou parfois on désinformait intentionnellement pour manipuler, on va dire ça comme ça. Et ça, c'est bien sûr toujours existé, mais c'est toujours lié à un moyen de communication. Donc, moi, mon approche, elle est toujours aussi pragmatique, et on peut appeler ça comme ça des fois médiologique, c'est-à-dire c'est le médium qui m'intéresse et comment elle est intimement liée au médium par lequel circule cette information. Et souvent, on a tendance à penser que la désinformation, c'est quelque chose de pas subtil, c'est quelque chose de gros. Et puis, on va éhontément mentir. Hein, on va dire vrai, vrai, vrai, faux, vrai, vrai, vrai, et le faux va ressortir. Non, souvent, c'est subtil parce que parfois, c'est juste, comme je dis, une mise en perspective. Aujourd'hui, avec une collègue, on travaille par exemple sur les, comment on dit, les youtubeurs, youtubeuses, enfin les vidéastes sur YouTube scientifiques. Et on est en train de montrer comment les algorithmes de YouTube, à partir du moment où tu pars d'une vidéo qui est faite sur un sujet par un scientifique reconnu, j'entends avec un doctorat qui produit sur la question, toujours remettre en cause dans l'absolu, mais en tout cas, on sait qu'il y a une base qui est plutôt saine dans ce qui est dit, et comment l'algorithme va amener vers des YouTubeurs, YouTubeuses science, qui eux déjà pour la plupart, ça devient un peu tangent parce qu'ils traitent 50 sujets différents et puis des fois c'est pas très clair ou ils n'ont pas d'invité. Hein, tu vois, là tu invites quelqu'un pour en parler. Il y en a qui sont juste tout seuls en train de raconter ce qu'ils ont envie de raconter. Et puis peu à peu, on va arriver vers des vidéos YouTube nous emmène, vers des vidéos où là on est dans quelque chose qui s'approche plus de la propagande, de la désinformation intentionnelle, etc., etc. Donc encore une fois, c'est un mouvement que les plateformes ne font qu'amplifier, déformer, refaire de manière différente. Mais on en revient toujours à la même chose. Quand la source de connaissance, la source d'information est la même, est autant, enfin, comment dire, quand les informations sont centralisées au même endroit que là où elles sont diffusées, quand les personnes qui peuvent centraliser les informations sont aussi les mêmes personnes ou les mêmes entités, pas forcément des individus, les mêmes entités qui peuvent mettre en circulation ces informations, il y a un risque de désinformation qui est beaucoup plus élevé que quand, autant, tel que tu le disais au début, pas de mésinformation, de désinformation volontaire ou autre, que quand effectivement on est dans une circulation beaucoup plus ouverte, etc. Et aujourd'hui, un Fox News ou Twitter maintenant avec Musk, ou Facebook avec Zuckerberg, c'est la même chose qu'une télé d'État dans un sens en URSS, etc., à une époque. C'est qu'on va dire, oh là là, la comparaison, elle est osée. Oui, bien évidemment, les propos n'étaient pas les mêmes, les sanctions n'étaient pas les mêmes, le niveau n'était pas les mêmes, mais l'idée même qu'on puisse concentrer en un seul endroit et un moyen de diffusion puissant qui est contrôlé par un petit nombre et des informations qui sont elles aussi collectées par ce même petit nombre. Le risque des désinformations est fort, et ça, c'est à travers toute l'histoire, en fait. Ça ne s'arrête pas aujourd'hui, enfin, ça ne commence pas aujourd'hui. Ce que je retiens, ça va probablement paraître comme une simplification grossière, mais c'est que la désinformation, c'est un aspect comme fondamental et naturel de la communication, à un certain sens, que ça soit comme interpersonnel ou à plusieurs paliers de grandeur, que ça soit gouvernemental et ou journalistique, médiatique, etc. C'est ça. C'est-à-dire que j'insiste vraiment sur ce point-là, c'est que c'est le corollaire, c'est inhérent, c'est lié à l'information. Les mécanismes sont les mêmes, c'est des mécanismes qui sont similaires. Et donc, on ne peut pas y échapper, on ne peut pas ne pas être désinformé à un moment, mais la question qu'on peut se poser ensuite, éventuellement, c'est les conséquences de ça. Entre être mal informé et à quelle heure passe par le prochain bus, puis qu'on va dire 15h12 et en fait c'est 15h06 parce que la personne pensait que c'était 15h12, ou te dire volontairement « Ah ah, c'est 15h12 exprès pour que tu le rates parce que voilà, etc. » où les conséquences peuvent être minimes parce que tu as raté ton bus, il y en a 5 minutes après, c'est pas la même chose que si ça te fait rater un entretien d'embauche. Et pour cette petite analogie, là on peut s'intéresser aux conséquences pour se dire maintenant qu'est-ce qui est le plus grave, en fait, qu'est-ce qui est le plus important et à quel niveau on le prend, un niveau social plus large, un niveau démocratique, un niveau j'en sais rien moi, commercial si on est une organisation, un niveau culturel si on représente des groupes minoritaires. Enfin, c'est vraiment ce, là je pense qu'arriver à un certain stade, effectivement, c'est partout, c'est la conséquence aussi qui peut arriver. Donc, on parle de désinformation et on dit que la désinformation, c'est en fait une sorte de mise en forme de l'information. Donc, ça peut se passer d'une personne à une autre, ça peut aussi se passer à des paliers gouvernementaux, ça peut se passer dans les médias. Une des choses qui change dans la production ou la réception de l'information, c'est essentiellement les incitatifs qu'une institution ou une personne a à produire de cette désinformation-là quand même. Ah, d'accord, je comprends la question. C'est qu'est-ce qui pousse? Oui. Les incitatifs aussi, comme pourquoi une personne voudrait produire comme tel genre de désinformation parce que ça a un effet particulier voulu? Mais alors, si on part du principe que c'est intentionnel, comme je disais, c'est pas forcément le cas. Mais si on part du principe que c'est intentionnel, et ça, moi, c'est des choses que j'observe. Donc, notamment en travaillant sur la question de l'astroturfing. L'astroturfing, c'est toutes les techniques qui visent à simuler un mouvement d'opinion. Donc, faire croire que tous ces clics sont faits par des personnes qui soutiennent une cause, que toutes les manifestations pro-pipeline qu'on voit devant l'Assemblée sont vraiment là parce qu'ils pensent qu'il faut du pétrole au Québec, et alors qu'en fait, ils sont payés par des industriels. C'est ça, un exemple d'astroturfing. L'astroturfing peut participer à produire de la désinformation en déformant un message et en simulant l'authenticité de son émetteur. On va croire que c'est une vraie personne ou une vraie institution, etc., etc. Là, on est donc dans ce genre de stratégie. Effectivement, généralement, l'intention, parce qu'on va produire de l'influence. L'intérêt, c'est de l'influence au sens où c'est de faire changer un comportement ou des représentations. Soit de manière massive, soit de manière ciblée, Pourquoi? Pour atteindre un objectif. Donc, si on prend un exemple concret de désinformation, alors souvent il y a beaucoup d'exemples politiques, parce que c'est là où en fait où l'intérêt public est le plus élevé. Donc forcément, les exemples politiques sont les plus nombreux. Mais si on prend des cas de désinformation assez simples, on va dire génériques, pour froisser personne, avec des exemples concrets, parce que ça froisse toujours des gens quand on leur dit que c'est de la désinformation. Mais si, par exemple, je suis une entreprise et que je souhaite investir sur un, je souhaite investir un marché. OK, je souhaite investir un marché. Et je n'ai pas envie qu'il y ait des concurrents qui viennent trop en compétition avec moi. Eh ben, je vais communiquer certaines choses, par exemple, sur mes résultats, sur voilà, mes derniers chiffres d'affaires, etc. Non pas directement, en disant c'est moi qui veux, enfin c'est moi, entreprise, qui vais te dire combien j'ai gagné cette année, etc. Mais en passant par d'autres sources externes qui, elles, vont un peu déformer la chose, vont agencer les choses différemment, etc., etc., etc., pour que les concurrents éventuels se disent, oulala, ça c'est un concurrent qui est super fort en face de nous, ou à l'inverse, c'est un concurrent super faible auquel on va pas faire attention. Et ça, c'est de la désinformation intentionnelle. C'est-à-dire que le but, c'est de changer un comportement. Là, je te prends un exemple très, très bateau d'un comportement sur un marché, par exemple, parce que c'est là où on envoie le plus de la désinformation. C'est au niveau économique. Au niveau politique, il y en a beaucoup qui est visible parce que c'est, encore une fois, c'est de l'intérêt public, donc ça se voit. Et je parle de désinformation organisée, hein, pas le militant du coin qui va essayer de faire croire que. Je parle de choses organisées. Ça, souvent, c'est dans les milieux d'entreprise, des milieux économiques où on a des moyens pour faire ça, où on a des objectifs concrets à atteindre, et donc on va essayer de désinformer souvent ses concurrents, très très souvent. Voilà, et si en entreprise on va dire oh c'est de la tactique, c'est de la relation publique, c'est nanana, non, c'est de la désinformation, mais on va pas l'appeler comme ça. Mais aujourd'hui, des groupes qui s'organisent pour volontairement faire circuler des informations qui sont intentionnellement déformés, des faits, des données qui sont intentionnellement mises en contexte différemment, où on va omettre certaines choses, où on va rajouter des détails en plus, où on va transformer la manière tout simplement de raconter la chose, et qui sont organisés. Ça se retrouve donc soit du côté des milieux économiques, et puis il y a des agences, il y a des professionnels qui font ça, qui sont payés à faire ça, soit on va le retrouver du côté du militantisme. Et du militantisme, pas forcément au sens négatif, c'est-à-dire que, bah, à un moment, pour être entendu, on va essayer de simplifier les faits, on va essayer d'insister sur quelque chose, parce qu'on veut produire de l'effet, soit effectivement de groupes politiques organisés, généralement du côté extrême. Le plus documenté, c'est l'extrême droite, qui va énormément manipuler les faits, les chiffres, etc. C'est quelque chose qui est vraiment documenté là-dessus. Là où, si on prend plutôt l'extrême gauche, on va plus être dans des actions de manifestation, de porte-voix, on veut faire entendre très fort quelque chose. Alors que l'extrême droite va être beaucoup dans la désinformation, voilà, changer des chiffres, aller mettre en relation différemment, etc., etc. Et on le retrouve aussi quotidiennement avec la politique quotidienne. Alors, j'ai quand même un exemple qui froisse. Alors après, cher public, ce que je dirais a peut-être été monté ou pas, mais le ancien et actuel ministre du Travail, ou en tout cas l'ancien, donc Monsieur Boulet, du Québec, qui, en pleine pandémie, a dit, alors je ne sais plus la formulation exacte, mais en substance que c'était les réfugiés, les migrants du chemin de Roxham qui amenaient la pandémie au Québec. Je ne sais pas si tu t'en rappelles de ça. Ça, c'est de la désinformation totale. Ce n'est pas du mensonge. Ah si, c'est faux. C'est faux, en partie. Bien évidemment qu'il doit y avoir des personnes qui passent par le chemin Roxham et qui ont la COVID. C'est évident qu'il y en a. Sauf que le fait de ne pas ajouter cette subtilité en disant il y aurait des personnes qui viendraient illégalement au Canada ou au Québec et qui amèneraient que la COVID, c'est une sorte de raccourci qui est intentionnel. On désinforme intentionnellement. Tu vois là, tu as vraiment deux choses, deux faits. Il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui rentrent avec la COVID, et il y a des gens qui attrapent la COVID au Québec. OK, il y a trois faits. On ne peut pas contredire. Ils sont pas contredire. On peut trouver les chiffres. Hein, combien il y a de pourcentage de personnes qui rentrent illégalement, enfin, quoi que ce n'est même pas illégalement, du coup, par le chemin Roxane, en tout cas, qui rentrent par le chemin Roxane et qui ont la Covid. On pourrait avoir ces chiffres-là, pourquoi pas. Mais la question n'est pas là. Là, c'est un exemple purement de désinformation. Et encore une fois, qui, là, ne demande pas des génies du mal derrière. Je vais être méchant, mais je ne pense pas qu'il y ait du génie derrière ça, qui ne demande pas une organisation incroyablement construite. Ce n'est même pas du militantisme. Il n'y a aucun intérêt économique particulier derrière. C'est juste un moyen de se dire, avec ça, je vais attirer l'attention de certains électeurs et électrices qui pensent déjà ça. Et donc, je désinforme. Et là, on pourrait se dire, pour continuer cet exemple-là, quels sont les effets ? Bah, les effets, ils sont délétères à long terme, parce que ça ouvre une fenêtre vers des propos de ce type-là, anti-immigration. On peut discuter des seuils de ce qu'on veut, mais là, on est dans des propos anti-immigration, des propos stigmatisants, donc ça ouvre la porte à toujours plus de propos. Puis, bon, le fait est qu'on en a quand même pas mal profité aux dernières élections, donc ça ouvre la porte à tout ça. Encore, peut-être pas au niveau français, là, ici, on n'est pas là, mais ça ouvre la porte quand même à pas mal de choses. Et surtout, ça crée du doute, parce que ça renforce soit les personnes qui disaient « je le savais », et de fait qu'ensuite, on va leur dire « mais attendez, c'est faux, tout ce qu'il dit, c'est factuellement, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, les trois mis ensemble, c'est de la désinformation. C'est ensemble, on n'a pas construit une information, on a désinformé. Ces personnes-là, ben, elles vont être très résistantes à entendre ensuite, parce qu'elles vont rester là-dessus. Et de l'autre côté, ça pousse les individus qui, eux, se disent « non, mais ce qu'il dit, c'est complètement faux », à surinformer pour essayer de démontrer que c'est faux. Et c'est là que se crée un terme très à la mode, ma foi, depuis quelques mois, je trouve, et qui n'a aucun sens, encore une fois, épistémologique, mais qui est un anglicisme horrible, polarisation. C'est pour la photo ou pour l'optique, la polarisation, ça a du sens. Pour l'information, c'est encore une fois un anglicisme qui nous a été ramené il y a quelques mois. Et c'est polarisant. Ouais, c'est polarisant. qui vraiment, tu vois, si on faisait de la physique de la lumière, ça aurait du sens, mais là, ça en a moins quand même. Mais qui crée ça, en fait, ça crée un schisme. Et donc, le problème, c'est que ça crée un schisme dans des sociétés où on a besoin de se confronter et où l'information s'entrecroise. Parce qu'encore une fois, il y aurait d'un côté les personnes qui disent ah, « les migrants, ceux qui nous amènent la Covid, et puis la peste, et puis le réchauffement climatique », et de l'autre, il y aurait des personnes qui disent « mais vous dites n'importe quoi, voilà les faits », mais qui ne se croiseraient pas, ou leurs informations ne se croiseraient pas. On ne serait pas dans la même chose que quand ces informations-là, elles sont confrontées. Et sur les effets, c'est là aussi où je reviens à la question des médias, si on enlève les plateformes, c'est qu'à un moment, quand on va mettre au même niveau de visibilité ou de légitimité une désinformation et des informations factuelles, on va faire croire qu'il y a un débat, qu'on peut avoir un débat. Ayons un débat sur la question, et ben c'est là que ça renforce encore plus la possibilité de désinformer. Parce qu'on va dire, OK, en fait, on revient à la question de la vérité et du faux. Hein. Ah, mais dans le fond, il n'a pas de tort, il y a quand même des choses vraies dans ce qu'il dit. Non, mais ce n'est pas la question, c'est la manière dont il appelle, qui est complètement faux. Je garde l'exemple du ministre. Hein. C'est la manière dont il emmène que c'est désinformant. C'est-à-dire que ça produit, ça laisse à croire quelque chose, ça informe sur quelque chose qui est faux, en fait. Ça crée des représentations fausses qui n'ont pas lieu d'être. On le met au même niveau. Et donc, sur les plateformes, on a l'habitude de voir ça. Mais je reboucle avec ta question précédente, mais ça existait avant. Et dans les médias, on le voit aussi quand on va essayer de dire qu'il y a une espèce d'équilibre entre ce qui serait de la désinformation et ce qui serait de l'information. Et ça, je pense que c'est, je ne pense pas, c'est même sûr, c'est préjudiciable à long terme, et on en voit d'ailleurs les effets, c'est préjudiciable parce que parce qu'on n'arrive pas ensuite à distinguer très clairement, parce qu'encore une fois, ce processus-là de désinformation ou d'information, on n'y a pas accès. Et donc, nous, on ne voit que le résultat en tant que public, et on se dit, OK, qu'est-ce qui se passe là ? On a quelqu'un qui a une légitimité, qui est ministre, qui nous dit quelque chose, puis en plus, on nous dit qu'il y a certains faits à l'intérieur, hein, pas hiérarchisés, mais en tout cas, il y a certains faits. Et puis de l'autre, il y a d'autres personnes qui nous disent que non, c'est faux, c'est pas vrai, il n'y a aucune preuve, etc., etc. Et c'est ça qui, à terme, nous donne la sensation aujourd'hui, qui n'était pas une sensation qui, au final, mais de dire on est dans cette société polarisée, on est dans un moment où tout est désinformation, où il y a du fake news, il y a tout ce qu'on veut autour de nous, parce qu'il n'y a plus de hiérarchisation, et il n'y a plus, on ne prend plus le temps, on. Alors, j'entends les médias, peut-être nous aussi, enfin, moi je me mets en tant que prof, hein, où il faudrait passer à chaque début de cours, en fonction des thèmes, passer une heure à reprendre tout ce qui a été dit, qu'il faudrait le déconstruire au fur et à mesure, mais en tout cas, le temps n'est plus pris pour, encore une fois, s'intéresser à ces mécanismes. Et on revient, c'est vrai ou c'est faux? Et la désinformation, c'est subtil. C'est pas vrai ou faux? C'est là où j'insiste, c'est subtil. Et le ministre, là, il a fait ça intentionnellement ou pas? Là, c'est une question de point de vue. Lui va dire « Désolé, j'ai été mal compris ». Et donc, ses partisans vont sûrement dire « Il n'a pas fait exprès, hein, il a voulu dire quelque chose et puis il n'a pas compris ». Et d'autres vont dire « Hey, on t'a vu, on sait très bien que tu savais ce que tu disais ». Le problème, encore une fois, on n'est pas dans sa tête. On peut toujours lui prêter des intentions, on peut toujours imaginer que ça rentre dans une stratégie politique, nanana, sûrement, ou qu'il a vraiment il a du mal à s'exprimer, sûrement aussi. Mais voilà, ça ne répond pas au fait que c'est ce mécanisme-là qu'il faudrait qu'on explique systématiquement, en disant voilà comment vous êtes arrivé à nous expliquer ça, et voilà les raccourcis qui ont été pris, les déformations qui ont été faites, les mauvaises mises en contexte. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne prend plus le temps de faire, qu'on n'a pas le temps de faire parce qu'il y en a tellement. Et je t'ai dit, il faudrait passer des journées entières à ne faire que ça, et qu'aujourd'hui, au niveau médiatique, le fact-checking, donc, comme on appelle ça, ne se concentre que sur les faits. Et on arrive donc à des titres du type « Est-ce qu'il a vraiment tort ?» Mais la question, elle n'est pas là. C'est « Est-ce que ce qu'il dit nous informe sur quelque chose ?» Non, ça ne nous informe sur rien du tout. Parce qu'en plus, si je garde cet exemple-là, si vous voulez froisser personne, dans l'exemple de la pandémie, ça ne va pas nous expliquer pourquoi la pandémie, elle est au Québec. Ce n'est pas une explication fiable et viable de la chose. Et puis, comme tu l'as vu, si on garde l'exemple des immigrants, parce que notamment, là, j'ai une collègue qui travaille beaucoup sur ces questions-là, sur les discours d'extrême droite au Michel Stewart, sur les discours d'extrême droite au Québec et comment ils proviennent des États-Unis, comment il y a une porosité entre les discours d'extrême droite États-Unis, enfin des États-Unis via le Québec, etc. Et sur la question de l'immigration, ce mécanisme-là, en fait, marche pour tout. Donc, on n'est plus dans un mécanisme d'information. Et on parle moins français, c'est à cause des immigrants. Et il y a moins de fromage à poutine, c'est à cause des immigrants. Et c'est à cause... Parce que oui, si on met en corrélation des chiffres qui n'ont aucun sens et qu'on les ramène à quelque chose, on peut toujours tout expliquer par le même mécanisme. Et pour finir, c'est là aussi où l'information, par définition, est quelque chose de nouveau. Et donc, si à partir du moment où son mécanisme est strictement le même, qui amène au même résultat, c'est-à-dire qu'on va rentrer tous les inputs, n'importe quelle donnée, pour atterrir toujours au même résultat, du type « c'est la faute des immigrants » ou des migrants en général, c'est que là, il y a un mécanisme qui ne fonctionne pas, parce qu'on n'a pas pris. Et donc, les conséquences, si on prend cet aspect-là, sont délétères au niveau social. Au niveau économique, elles peuvent amener à des risques pour certaines organisations. Et puis, au niveau individuel, ça renforce la méfiance. Et puis après, moi, je tombe sur des personnes qu'on qualifie de complotistes. Encore une fois, j'aime pas ce terme-là. Il y a différents niveaux. Hein. On peut appeler ça plus de la radicalisation, de l'endoctrinement aussi. Il y a des niveaux assez élevés quand même. Mais en tout cas, il y a des personnes qui adhèrent à des assertions qui sont fausses, en fait, par des voilà, et qui vont très légitimement me dire « Mais regardez !» Lui, là, il dit rouge, lui, là, il dit bleu. Sur le papier, les deux ont la même autorité, la même légitimité. Donc, et puis là, lui, il a dit rouge pendant un mois, puis après, on m'a démontré qu'en fait, c'était bleu. Et puis après, la personne qui a dit bleu, il y a quelqu'un qui a rajouté un peu de vert, et puis ça a fait du mauve, et on m'a dit « Ah, mais en fait, ça serait peut-être mauve. Ouais, bon, à ce tarif-là, moi, je peux choisir, en fait, à qui je fais confiance. » Parce que, puisque le mécanisme n'est pas explicité, à la limite, on est dans ce qu'on appelle l'autorité cognitive, c'est-à-dire que je crois sur des critères qui ne sont pas factuels, vérifiables, objectivables, reproductibles, c'est ça. C'est juste je crois parce que j'aime bien la tête du monsieur, j'aime bien le discours de la dame, je lui fais confiance, je le sens bien, etc. Et comment on peut en vouloir à ces personnes-là quand, encore une fois, on médiatiquement, en ligne, hors ligne, on nous met au même niveau des informations qui ont été produites par des processus totalement différents, sans les distinguer, sans les hiérarchiser, sans les expliquer. Il y a beaucoup de choses à dire sur comme ce que tu viens de nous dire. Je pense que la chose que je retiens le plus, c'est, vu qu'on commence à manquer un peu de temps, je voulais parler du fait que c'est très difficile de contrer la désinformation parce que quelqu'un qui vient dire souvent, admettons, je vais dire le terme des grossièretés un peu comme l'idée, ah oui, c'est des migrants qui amènent la COVID ici. T'sais, souvent, il va y avoir des gens qui vont avoir des discours un petit peu plus complexes, mais qui vont raconter peut-être un petit peu n'importe quoi. Et la personne qui doit décortiquer le message doit avoir un nombre d'informations assez massif en arrière d'elle pour être capable de, comme justement, démêler, pas nécessairement le vrai du faux, mais comme le corps du message ou de faire du sens du message qui est véhiculé par une personne qui fait la désinformation. Mais c'est là où, si tu veux, c'est là où moi je prône une éducation, ce qu'on appelle une littératie numérique aux médias ou au numérique, qui n'est pas justement construite sur les réserves de savoir. Bien évidemment, plus on en sait, plus on est informé, plus on a de connaissances, plus on a accès à des savoirs stabilisés, comme on dit, hein, qui changent tout le temps, mais en tout cas qui sont stabilisés pour certains, plus, je dirais pas que c'est facile, mais plus on va réagir quand quelque chose, qu'on voilà, on nous dit ouais, c'est pas les migrants qui amènent la COVID au Québec. On va dire attends, ouais, je sais pas, c'est bizarre. voilà, bien évidemment. Moi, je prône aussi, encore une fois, une compréhension des mécanismes. Et ça, c'est pas enseigné. Et que ce soit les mécanismes, donc comme peut-être qu'on le disait dans la précédente émission, mais les mécanismes algorithmiques, si on parle du médium numérique. Et quels sont les critères qui fait que ça s'est mis en visibilité? Comment fonctionne la modération? Pourquoi, etc. Les mécanismes médiatiques aussi. Et puis, comme je te disais, le principe de construction, de déconstruction. Aujourd'hui, j'ai la capacité de m'informer. On est encore en 2022 au Québec, pour pas chercher le monde entier. On est encore ici dans une société où très, très, très majoritairement, on est informé. Et pas désinformé, on est informé. Il y a d'autres sociétés à l'heure actuelle où ce n'est pas du tout le cas, mais là, aujourd'hui, on est informé. C'est-à-dire qu'on a accès à des ressources informationnelles qui nous permettent d'aller se dire, OK, j'ai un doute, je peux essayer d'aller vérifier par moi-même. Alors souvent, ça emmène à ce qu'on appelle au complot, parce qu'on accède à de la désinformation, mais ça peut aussi emmener à tout simplement. Moi, je respecte l'idée que... Enfin, je respecte, pardon, je n'ai pas rien dit. Moi, je développe l'idée que... Je ne suis pas le seul, il y a des études qui le montrent, que par exemple, une personne qu'on va qualifier de complotiste est très souvent une personne qui a un esprit critique très développé, qui est très défiante, et qui parfois même a des méthodes de recherche de l'information qui sont ultra pertinentes. Sauf que la question de départ est souvent mauvaise, et ce qui nourrit la méthode n'est pas forcément très bon. Mais dans l'idée, on a des personnes qui sont ouvertes à essayer de comprendre différemment. Et ces personnes-là, pourquoi elles font ça? Pas systématiquement, parce qu'elles remettent en doute la manière dont elles sont informées. Et qui sont les personnes qui nous informent? Et c'est là où la question, je dis, est mauvaise de départ. C'est pas qui sont les personnes qui nous informent, c'est comment font-elles et pourquoi faire? Pourquoi faire? Le pourquoi faire, c'est comment elles font et pourquoi elles le font. Donc pourquoi faire? C'est quoi l'effet attendu? C'est quoi la pratique praxéologique? C'est quoi l'effet, le pourquoi faire? Et donc, est-ce qu'on est désinformé par Big Pharma? Ça, c'est une question. Est-ce qu'on peut avoir confiance dans les industries pharmaceutiques? Enfin, je vais te dire non. On peut avoir confiance dans leurs scientifiques pour développer des médicaments? Bien évidemment, là, je suis scientifique. Et bien sûr, il y a des erreurs, mais dans la grande majorité, heureusement qu'on a accès à tout un tas de médications, sinon on serait mort à 28 ans. Ça, c'est évident. Donc oui, est-ce qu'on peut avoir confiance dans leur discours, dans leur volonté de dire, mais non, on n'est pas là pour faire de l'argent. Mais non, il ne faut pas avoir confiance en ça. Mais si ma seule question, c'est est-ce que je peux avoir confiance, oui ou non, dans les industries pharmaceutiques, le problème, c'est que la réponse binaire, elle ne tient pas la route. Est-ce que la manière dont m'informent les industries pharmaceutiques, à quoi ça leur sert? Et quelle est la manière dont ils le font? Comment ils le font? Et pourquoi ils le font? Donc, pourquoi faire? Ça va me permettre de faire le tri. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est ce genre de choses qu'il faut apporter en termes d'éducation aux médias, parce que c'est donné à la majorité d'entre nous d'accéder à des savoirs. Non, c'est pas malheureusement donné à la majorité d'entre nous parce qu'on n'a pas tous eu le même niveau d'études, parce qu'on n'a pas tous le même intérêt, tout simplement. Moi, il y a des trucs qui m'ennuient et j'aurais pas envie d'aller me passer 2 heures à lire un truc qui m'ennuie pour savoir si ce que dit machin est vrai. C'est pas ça qui va m'intéresser. Par contre, apprendre cette logique qu'il y a une mécanique comme je le disais, de prendre des données, de les mettre. Hein, par exemple, si on parle de statistiques, sans être un statisticien, la notion de corrélation et de cause, causalité, corrélation, certaines choses comme ça qui peuvent être prises en compte, ça, c'est quelque chose qui me paraît sain et nécessaire, qui ne va pas dans le sens de tout ce qu'on appelle parfois la zététique, hein, essayer de prouver que les gens mentent, etc., où là, on est, encore une fois, dans un cadre ultra normatif. Hein. Il y a la bonne science et la mauvaise science, il y a le vrai et le faux. Non. Si la désinformation perdure, et puis je voudrais assez insister, là, je pense, pendant toute l'interview, mais si la désinformation perdure, c'est qu'on est dans du gris, on n'est pas dans du noir ou du blanc, ça serait facile. Très facile, on ne serait pas en train de discuter de ça. Puis lui, c'est faux, puis ça, c'est juste, et puis hop, il n'y a pas de grille. Donc, c'est ces mécanismes-là qui, de mon point de vue, doivent être appris, enseignés, compris. Et c'est ce qu'on appelle la littératie. Ce n'est pas combien d'informations je peux engranger, c'est comment je peux accéder à de l'information et la sélectionner sur des critères qui me sont utiles à moi et éventuellement au collectif. C'est ça la littératie. C'est ça qui aujourd'hui est totalement manquant, mais qui n'est pas lié avec le numérique. Je veux dire, aujourd'hui, on nous met devant des journaux, depuis petit, hein, devant des journaux télé, radio, sans nous avoir expliqué comment ça fonctionnait. Hein. Et entre l'éditorialiste économique qui, en fait, est là pour vendre son programme idéologique et le journaliste qui essaye de rapporter des faits en les équilibrant, mais en fait, on voit deux personnes sur un plateau télé, mais personne qui peut nous expliquer comment l'un construisait son information, comment l'autre l'a ramené, sur quels critères on pouvait s'appuyer pour dire « j'ai un doute dans ce qu'il raconte, lui ». Est-ce que je le remets en cause, lui, ou est-ce que je remets en cause la manière dont il m'informe ? Tout ça, que ça soit en ligne, hors ligne, peu importe, c'est quelque chose qui ne nous est pas enseigné. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que ça fait cruellement défaut, parce que déjà, devant les médias dits traditionnels, c'était problématique. Et ça crée de la méfiance, de la défiance. Et aujourd'hui, on entend « Ah, les journalistes, nanana, ça crée de la défiance parce qu'on a tout mis au même niveau. Et sur les médias numériques, bah là, on est passé encore au stade du dessus parce que là, il y a des logiques techniques à intégrer, économiques, bref, de design, il y a d'usage, il y a encore plus de logiques à intégrer pour arriver à comprendre pourquoi YouTube se met cette vidéo devant moi ou pourquoi lui, d'ailleurs, en disant la désinformation, est devenu numéro un de tel sujet sur YouTube, pour garder l'exemple de YouTube. Donc c'est ça, c'est des choses qui sont intégrées et qui ne sont pas pour moi liées, vraiment pour conclure là-dessus, qui ne sont pas liées au réservoir de connaissances qu'on a. Ça aide, bien évidemment. Mais la manière dont on peut décortiquer quelque chose, et ça ne demande pas de comprendre. Tu vois, moi, je peux lire un article scientifique sur un sujet que je ne comprends pas spécialement, mais on a des standards, c'est pour ça que je donne l'article scientifique. Il y a des standards qui font que s'il y a des gros bugs, je le verrai. Et même si je ne connais pas le sujet, je dis « oulala, là, la manière dont c'est fait, il y a un souci ». Ouais, bien sûr, il y a des trucs plus subtils que je ne pourrais pas comprendre, etc., etc. Mais ce que je veux dire, c'est que quand on écrit scientifiquement, on apprend cette logique-là. Et sans parler de science, de manière générale, quand on fait de l'écrit journalistique, on apprend cette logique-là de comment on compare les faits, comment on les amène, comment on amène la preuve, comment on amène la justification, etc., etc. Et tout simplement, ouvrir un article, le lire et se dire « mais là, en fait, là, j'ai quelque chose qui n'est pas dans des formes pas de standard, mais en tout cas dans des formes d'écriture pour informer, mais dans quelque chose qui est différent. Tant qu'on n'acquiert pas ces logiques-là, on peut être la personne la plus intelligente du monde, la plus informée du monde, et se laisser avoir. Je dirais avec ce dernier exemple-là qui est en ligne, mais j'ai un collègue il y a 2 ans, on rigolait de Twitter et de la désinformation, je lui ai dit « mais moi j'ai découvert LinkedIn il y a 6 mois, 1 an pour un projet », et je lui ai dit « mais va voir sur LinkedIn ». Aujourd'hui, il mène un projet, alors un peu à côté, mais sur la désinformation sur LinkedIn, on pourrait dire « attends, on a des gens, ils sont directeurs de machin, nanana, oh, c'est énorme la manière dont ils relaient de la désinformation, donc ça n'a rien à voir ». Avec des gens qui ont fait 5 ans d'études universitaires ou pas. Bien évidemment, quand tu as fait 5 ans d'études universitaires, mais même plus, en fait. Donc, c'est pour ça que je reviens à ces mécanismes et à l'intérêt, l'importance de les comprendre, de se les approprier, de se les approprier collectivement, de dire « je ne peux pas être tout seul face à la plateforme, je ne peux pas être tout seul face aux médias, je dois le faire collectivement, je dois discuter avec les autres, je dois voir avec eux comment ça fonctionne, parce que c'est que collectivement... » Non pas qu'on va empêcher la désinformation, ça n'a pas de sens, comme je te dis, ses propres outils de médiatisation qu'on utilise, mais comment on va réussir à, entre guillemets, réguler ces effets et les limiter, tenter qu'il y ait un intérêt à les limiter. J'essaie de trouver une manière de réduire ça à la manière la plus simple possible. Évidemment, c'est impossible. Mais je me dis, est-ce que ça pourrait être comme t'es juste une recherche de la nuance, généralement? Mais c'est tout un paradoxe. Non, mais c'est très paradoxal parce que la nuance, c'est ce qu'il y a d'important. Donc, si tu veux, la nuance, oui, il faut de la nuance. Il faut de la nuance. C'est ce que je disais tantôt en disant... comment dire, quand on va nous mettre au même niveau un propos raciste avec un fait, en disant « Ah, mais on doit ramener les deux faits parce qu'on doit les exposer », par exemple, là, effectivement, on essaie de faire de la nuance. Mais le problème, c'est qu'on est aujourd'hui dans des formats médiatiques. Et là, encore une fois, moi, je suis chercheur en communication, donc ce qui m'intéresse, c'est les médias, les plateformes, etc. Je suis moins dans la communication interpersonnelle. Mais en tout cas, on a ce besoin de nuance, au moins d'explication du voilà pourquoi on en arrive là, qui n'est pas compatible avec les formats attentionnels qui existent en ligne, hors ligne ou pas. Aujourd'hui, prendre le temps de discuter une heure avec un ou une spécialiste, je vais m'envoyer des fleurs, mais un ou une spécialiste ou quelqu'un qui connaît un peu son sujet, c'est du luxe. Prendre le temps de l'écouter, c'est du luxe. Et ce n'est pas du luxe parce que, enfin, on pourrait faire toute une critique du capitalisme et du pourquoi, en fait, ce n'est pas qu'on n'aime pas les lundis, c'est qu'on n'aime pas le capitalisme, mais pourquoi on en est à ce rythme-là, ce n'est pas la question. C'est parce qu'on a trop de sollicitations, on a trop de choses qui nous donnent envie de savoir, et encore une fois, il y a trop de choses qui chassent le précédent ou le précédente parce qu'il n'y a pas cette hiérarchisation qui est faite. Et donc, on n'a plus le temps pour ça. Et où est-ce qu'on arrive à retrouver du temps pour ça ? C'est quand on va éventuellement avoir des personnes qui nous ressemblent et qui prennent la parole. Et c'était vraiment la question que m'a posée un célèbre animateur du dimanche sur Radio-Canada en me disant « Est-ce que c'est la jungle qui est mise à loin sur Internet ? On est tous polarisés, etc. » C'est de dire, aujourd'hui, il y a tout un pan de la population, enfin des pans de la population, qui ne sont pas représentés dans les médias, qui ne sont pas visibles, dont les opinions ne sont pas visibles, dont les opinions ne sont même pas discutées, même si elles sont complètement loufoques, même si elles sont, elles ne sont pas discutées. Donc moi, quand je dois faire de la sélection pour chercher de la nuance, c'est-à-dire me dire, je vais passer une heure, même une heure, à écouter quelque chose ou quelqu'un qui va détailler, eh ben, je ne vais plus aller vers l'utilitaire, parce que ce qui est utile pour moi, c'est quelque chose que j'incorpore rapidement, mais rentrer dans un monde où c'est utile, c'est parce que je me l'approprie rapidement, ce qui est paradoxal, mais non, je vais prendre quelqu'un qui me ressemble. Et si ce quelqu'un qui me ressemble, que je n'ai jamais vu ailleurs, me désinforme, je vais dire, mais c'est pas grave, parce qu'il me ressemble, j'ai pris le temps d'écouter ses nuances à lui. Et l'autre personne qui ne me ressemble pas, qui incarne cette espèce d'autorité, qui incarne ce... Mais je ne vais pas le prendre le temps de l'écouter ou je vais l'écouter en 5 minutes. Et donc, effectivement, cette nuance-là, elle ne rentre plus dans les formats attentionnels. Et quand elle rentre dans les formats attentionnels, c'est qu'elle est très basée sur... le terme m'échappe, mais ce n'est pas affectif, mais c'est affinitaire. Hein. C'est je vais m'informer, prendre du temps d'écouter des personnes avec lesquelles j'ai des affinités. Donc, soit ce qu'on appelle en sociologie homophile, c'est-à-dire qui me ressemble socialement, peu importe, culturellement, peu importe, ou soit avec lesquelles j'ai des affinités idéologiques, d'opinion, parce qu'ils ont le même métier que moi, et puis peut-être moi en tant que prof, je préfère écouter des profs qu'écouter des gens pas profs. Enfin, c'est pas le cas, mais bref, par exemple. Donc, et ça, effectivement, on n'a plus le temps pour ça. Et c'est pour ça que j'en reviens encore une fois au mécanisme, c'est-à-dire que nous dire là, ça nécessiterait de la nuance parce qu'on a mis ensemble, on a bricolé ensemble trop de choses qui ne peuvent pas tenir de prime abord. Ça ne peut pas tenir, ça n'a pas de sens. Donc, nous l'apporter comme une maison finie, alors qu'on a mis des briques, des parpaings, du bois, qu'on a essayé de mélanger tout ça, il y a un truc qui n'est pas solide. Alors, peut-être que je prends le temps de le déconstruire. Si je n'ai pas le temps, ce n'est pas grave, je me dis là, je le mets quand même de côté parce que ça ne tient pas la route. Et ça, c'est quelque chose à atteindre. Et je pense que oui, la nuance, c'est quelque chose qu'on a malheureusement oublié. Et nous, on le voit en tant que chercheurs et chercheuses. Tout simplement parce que, peu importe d'ailleurs le domaine de recherche, que ce soit les sciences et vie de la Terre, les sciences sociales, etc., tout ce qu'on fait, c'est que produire de la nuance. Enfin, je veux dire, hormis grandes découvertes, on fait que produire de la nuance. Et on n'a plus le temps d'être lu au point où on a des concours comme ma thèse en 180 secondes. Hey, tu vas résumer 3 ans de travail en 180 secondes, c'est du grand délire. Où on a des youtubeurs, youtubeuses qui, pour la plupart, je pense, sont bien intentionnés. C'est pas du tout, ils sont pas, voilà, mais ils essayent de ramener ce que eux ont compris en version synthétique, oula, c'est de se ramener en version synthétique pour favoriser l'attention, la réaction, etc. Ça marche plus, parce qu'on peut pas prendre un article scientifique, tu as mis 3 mois d'écriture avec les allers-retours, 6 mois, 1 an de recherche derrière, de discussion, de nanana, nanana, où chaque virgule a été corrigée par 4 collègues, plus les relecteurs, nanana, et puis le résumé en une vidéo de 3 minutes. C'est impossible d'avoir ce niveau-là, parce que sinon on ferait directement une vidéo. Et peut-être que dans 10 ans, ça sera plus les revues scientifiques, ça sera ma découverte en 180 secondes. Et là, on en sera à un point où il faudra résumer, voilà. Mais là, voilà. Donc, il n'y a pas les formats aujourd'hui. Et quand les formats existent, eh ben, ils sont principalement affinitaires, c'est-à-dire qu'ils attirent des personnes par affinité. Et là, on revient dans les biais. Pas que cognitif, mais moi, pour moi, qui sont des biais entre guillemets sociaux, à savoir du bah oui, je me rapproche de personnes que j'ai envie de voir, en fait, que j'ai envie d'entendre, et particulièrement que je n'entends pas. Et je veux dire, mais ça se met à tous les niveaux. Bon, finalement, en tant que professeur, chercheur, je dirais même pas en communication, en sciences sociales au sens large, moi, je trouve qu'on n'entend pas assez de chercheurs et de chercheuses en sciences sociales dans les médias. Donc, dès que je vais entendre machin ou machine et professeur nanana de je sais pas quoi, je vais me dire hey, ça va m'interpeller plus que truc éditorialiste ou voici un témoin, etc. Et on fonctionne comme ça. Et donc, bravo et merci de prendre le temps dans ton émission. Mais c'est vrai, d'apporter de la nuance parce que j'ai envie de dire, peu importe l'audience, on est toujours dans des logiques d'audience, est-ce que je vais être beaucoup écouté ou pas? Peu importe l'audience, s'il y a des gens, peu importe le nombre, parce que, compris le temps d'écouter, de ne pas être d'accord peut-être avec ce que je vais dire, de se dire je vais aller regarder ailleurs ou je vais, etc., c'est déjà énorme, qu'elle soit 10, 100, 1000, 5000, on s'en fiche, c'est déjà énorme. Et crois-moi, c'est un chercheur qui écrit ça, et si mes articles ils sont lus par 100 personnes, c'est magnifique. Donc déjà, voilà, c'est bien d'avoir ces formats-là, et ça c'est le côté positif vraiment d'Internet, etc., du côté associatif, hein, de radio universitaire ou pas universitaire ou autre. C'est de dire, waouh, il y a des personnes qui prennent le temps de faire de ces formats-là, et il y aura des personnes qui prennent le temps de l'écouter, on a les moyens de le faire maintenant. Profitons-en, et puis faisons-le au maximum, et c'est déjà un début. Merci beaucoup, Camille, d'être passé à l'émission et pour tes bons mots. Écoute, je cherchais quelqu'un pour faire un point de départ, pour lancer la discussion pour les prochaines semaines, puis c'est parfait parce que j'ai encore plein de questions. Regardez, pour d'autres. Et tant mieux, parce que la pluralité des points de vue, c'est ça aussi qui amène de la nuance.